the drama. Thank you. Au début des Guns. C'est My Farm de Spaghetti Incident. The Guns. Sur un vieil album. Down on the farm, Guns N' Roses. than me. Nobody here tell me. I ain't given get to lover. Down here on the farm, they told me to get healthy. Plaisir, Jay, c'était trop cool. T'envoies comme slash, écoute dans Down Under Form. Tu vas voir que franchement t'as rien envie à slash. Merci pour la compassion. Waouh, merci pour ton gros son. Trop cool. Genre, t'envoie à bientôt, pour, peut-être à la maison, voilà. Et peut-être chez le pote là, je l'ai invité, Genolicus, à l'appart. Et on a fait du gros son avec lui jusqu'à 1h du matin, et avec le pote qui fait de la techno jusqu'à 6h du matin. Et on avait, putain, on avait mis trop de son. C'était super stylé, mais je vais peut-être pas le refaire.